Ja. Bonjour, certains des principaux titres. Passation du test du recrutement de 1000 enseignants dans tout le pays ce dimanche. À cette occasion, le ministre en charge de l'Éducation a révélé que ceux qui ont réussi commencent le travail avec le mois d'octobre et les victimes des crises qu'a connues le pays devraient être les premières à faire preuve de réconciliation, soit émis lors de la célébration de la journée du pardon et de la réconciliation ce samedi à Muyinga. Voilà pour les titres. À la cabine technique, vous êtes avec Albert Ndouaï, au micro Sévestine Boutoui. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, lancement ce dimanche en Ngozi par le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique du concours de recrutement de nouveaux enseignants édition 2022. Dr. François Abzalimana tranquillise que les problèmes survenus l'an passé ne vont plus se reproduire vu des réunions de préparation organisées. En outre, il promet la transparence dès le début jusqu'à la date de remise des lettres d'affectation pour les candidats réussis. Et ces derniers commenceront le travail avec le début du mois d'octobre suivi. C'est vrai que l'année passée, on a observé certaines irrégularités. Ça nous a pris du temps pour pouvoir régler tous les problèmes qui étaient observés. Et cette année, on s'est très bien préparé. Nous avons organisé des réunions, mais aussi nous avons essayé de mettre à jour les termes de référence sur lesquels les candidats et les examinateurs doivent se référer pour qu'il n'y ait pas de problème. Et donc cette année, on espère qu'avec les réunions que nous avons organisées, avec les termes de référence que nous avons élaborés, on espère que les problèmes observés l'année passée ne vont pas se reproduire. Cette année, c'était aussi prévu comme l'année dernière des recours. Et les recours doivent se faire à trois niveaux. D'abord au niveau de la commission communale, ensuite au niveau de la commission provinciale et enfin au niveau de la commission nationale. Sur plus de 13 000 candidats qui étaient inscrits, on a seulement observé autour de 30 lettres qui sont parvenues au niveau de la commission nationale. Ce qui signifie que quand même, la plupart des candidats ont été satisfaits des résultats de la présélection. Autour de 30 candidats qui ont envoyé leur correspondance au niveau de la Commission nationale, une dizaine de candidats a eu gain de cause. Vous voyez que donc, presque tous les candidats sont satisfaits. Nous nous attendons maintenant à la correction parce que la plupart des réclamations viennent après la correction. Et donc maintenant, on ne peut plus prédire les réclamations qui vont se produire après la correction. Après la publication des résultats du concours, on va leur donner une période de recours. On ne pourra donc pas signer les lettres d'affectation avant que la période dédiée au recours ne se termine. Nous allons donc attendre la période de recours pour signer les lettres d'affectation. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui auront été retenus vont commencer leur travail au mois d'octobre. Et des passagers dénoncent le non-respect des prix de tickets de transport chez certains des conducteurs des véhicules assurant le transport en commun dans la province de Bururi, malgré la disponibilité du carburant. Il y donnait l'exemple de trajets Matana Bujumbura où le prix du ticket varie entre 10 et 12 000 francs burundais, alors que le prix connu est de 8 000 francs burundais. Les mêmes plaintes se font entendre sur les routes Bururi Rumonge et Bururi Matana. Les détails de Zenon Zambimane. Certains des conducteurs des véhicules qui assurent le transport en commun sur la route nationale numéro 7 fixent le prix de tickets de transport comme ils veulent. De Matana à Bujumbura, certains exigent une somme variante entre 10 000 et 12 000 francs burundais, comme nous l'avons nous-mêmes constaté. D'autres respectent le prix de tickets de transport de 8 000 francs burundais fixé par l'État. De Bururi à Matana, ces prix de tickets de transport ne sont pas les mêmes chez les conducteurs des véhicules de type Plobox qui assurent le transport en commun dans ce tronçon de 38 km. Certains des chauffeurs exigent entre 5 000 et 6 000 francs burundais, alors qu'avant la pénurie du carburant qui s'observait dans ces derniers jours, le prix du ticket de transport ne dépassait pas 4 000 francs burundais, de même que de Bururi à Rumonge, sur la même route nationale, où les conducteurs exigent à leurs clients une somme de 5 000 francs burundais de ticket de transport, ou même plus, surtout le soir. Certains de la population du chef-lieu de la province de Bururi saluent vivement le fait qu'ils ne s'observent avait plus de pénurie de carburant, ce qui a permis la réduction des prix de tickets de transport par rapport à la période de pénurie du carburant. Toutefois, il déplore que certains des conducteurs des véhicules sur la route Bururi-Rumonge entre un saut de 32 km et Bururi-Matana entre un saut de 38 km exigent presque le même prix que celui payé sur la route Bujumbura-Rumonge de plus de 70 km. Selon les chauffeurs rencontrés au parking de Bururi, sur ces routes, les véhicules transportent moins de 10 personnes, raison pour laquelle ils ne peuvent pas exiger moins de 5000 francs burundais de tickets de transport, comme dans les véhicules de type IAS. C'est au moment où les passagers, quant à eux, demandent la fixation des prix des tickets de transport sur les routes Bururi-Rumonge et Bururi-Matana, ainsi que le respect de ces prix là où ils sont déjà fixés. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé d'une minute dans les studios de la radio Isanganiro. Le journal est continu. La province Kayanza affiche un faible taux de femmes élues lors des élections du membre du conseil des notables collinaires. Elle représente 20,47%. Jean-Marie Vianney Ndayishimiye, conseiller juridique du gouverneur en cette province, appelle les femmes à se faire voter dans des instances de prise de décision au lieu d'attendre la cooptation. Les précisions avec Patrick Saint-Guillaume. D'après les données chiffrées fournies par Jean-Marie Vianney Ndayishimiye, conseiller juridique et du gouverneur en province Kayanza, dans des élections des membres du conseil des notables collinaires, 804 femmes ont été élues en cette province, soit un taux de 20,47%. Des communes Muhanga, Kayanza et Gatala ont enregistré un nombre important de femmes élues par rapport aux autres, où Muhanga, par exemple, compte 117 femmes élues, Kayanza 113 femmes et Gatala 112 femmes. Les mêmes données montrent qu'en commune Kabarole, au niveau du conseil des notables collinaires, on a voté 97 femmes, à Gahombo 79 femmes, et Muruta 76 femmes contre la commune Rango qui a enregistré 60 femmes élues. La commune Butaganzwa, selon toujours ces mêmes données, se place en dernière position par rapport aux autres communes du fait que dans cette entité administrative et parmi des candidates qui se sont faites élire, 56 femmes seulement ont été retenues. Jean-Marie Vianney Ndayishimiye indique que le taux de 20,47 femmes des femmes élues dans des membres du conseil collinaire à Kayanza n'est pas satisfaisant. Il invite des associations qui luttent pour le développement et la relance économique de la femme de s'impliquer davantage dans des sensibilisations auprès de la femme et burundaise à se faire voter dans différentes instances de prise de décision. Ainsi, la Gakala, présidente de l'association des femmes rapatriées du Burundi à Kayanza, fait savoir que beaucoup d'efforts sont en train d'être fournis pour relever la femme burundaise dans différents domaines. Même propos avec Justine Komezadusabe, conseillère du gouverneur en charge des finances à Kayanza et en même temps présidente du Forum des femmes en cette province, qui elle appelle toutes les femmes à reconnaître qu'elles sont le pilier du développement du pays. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Les victimes des différentes crises du passé sont appelées à faire le premier pas vers la réconciliation. Souhait de Monseigneur Joachim Ndereye, évêque du diocèse catholique Muyinga, ce samedi en paroisse Muramba. C'était lors de la célébration de la journée du pardon et de la réconciliation. Quant à Pierre Clavin Daichalié, président de la CVR, les autres diocèses devraient imiter l'exemple de Muyinga et Ruyigi qui ont déjà entamé le chemin de la réconciliation entre la population. Après, c'est la place à la chronique nutrition. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La noix de coco est un fruit qui résiste à la chaleur et au froid. Il pèse entre 2,5 kg et 5 kg, selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste. La noix de coco est doublement riche en chair et en eau. Il est d'origine malaisienne. Les détails avec Omer Andouaïo. C'est un fruit à forme ronde et en couleur jaunâtre d'origine malaisienne. Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, explique que le cocotier est l'un des représentants de la famille des palmiers. La noix de coco, c'est un fruit qu'on trouve sur un arbre de la famille des parmacées qui peut atteindre 20 mètres à 30 mètres de hauteur. Le fruit n'est pas un nom de pain de vie botanique, mais une drippe qui peut peser 2,5 kg à 5 kg. La noix de coco est formée d'un exocarpe rigné de couleur jaune ou orangé, d'une couche fibreuse intermédiaire mésocarpe équivalent de la partie charnie des fruits communs et d'un noyau central qu'on appelle endocarpe. qui renferme la graine formée d'une pulpe branche qui est la partie comestible. Selon Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, la chair du coco est utilisée dans la fabrication du lait de coco et autres aliments. Le cocotier, les arbres ayant une vocation de survie, en fait, quand la tempête est passée, le cocotier reste civilette sur la plage tropicale, comme si rien ne s'était pas passé. C'est un arbre qui est miraculé. De plus, son fruit, la noix de coco, est capable de naviguer des centaines d'années entre des circulés ou bien des pasquillés au niveau de la mer, sans perdre sa force de germination. Et c'est un arbre qui donne tout le nécessaire à la vie. Ce n'est pas exagéré car il est bien connu que les habitants des îles de la Polynésie ont survécu parfois pendant plusieurs générations en ne mangeant que des noix de coco. Ce qui diffère le coco à d'autres fruits et que celui-ci a de la chair et de l'eau, qui est même devenue en quelques années la boisson. La noix de coco fournit boisson et aliments solides. La fibre qui la recouvre permet de tisser des cordes et de fabriquer des brosses à dents, les troncs osseux de cocotier et les feuilles du cocotier permettent d'élaborer des sandales, des tissus et même des rides. À part ces deux composants, la chair et l'eau, l'enveloppe protégeant le fruit a des fibres utilisées dans le tissage des habits. Je vous disais que les victimes des différentes crises du passé sont appelées à faire le premier pas vers la réconciliation. Souhait de Mgr Joachana Ndereye, évêque du diocèse catholique Muyinga, ce samedi, en paroisse Muramba, lors de la célébration de la journée du pardon et la réconciliation. Quant à Pierre Claver Ndaïchalié, président de la commission Vérité et Réconciliation, les autres diocèses devraient imiter l'exemple de Muyinga et Luyigi qui ont déjà entamé le chemin de la réconciliation entre la population. Pierre Claver Avarondi depuis Muyinga. Le pardon est d'abord l'affaire de la victime et celle-ci est appelée à faire le premier pas qui mène à la réconciliation. Mgr Joachim Naondereye, évêque du diocèse catholique de Muyinga, l'a annoncé ce samedi en paroisse de Muramba à l'occasion de la célébration de la journée du pardon et la réconciliation. Il explique que le malfaiteur a des blessures morales qui l'empêchent de demander pardon et qu'il appartient à la victime de le délivrer. C'est aussi, ajoute-t-il, une façon d'imiter Jésus-Christ sur la croix qui a pardonné à ses bourreaux sans que ces derniers le lui demandent. Cette célébration a été l'occasion d'écouter des témoignages de ceux qui ont pu demander le pardon et ceux qui leur ont accordé, ainsi que ceux qui ont réussi à protéger les personnes en danger au moment de crise. Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR, félicite les diocèses de Muyinga et Ruyigi qui ont déjà initié le processus de la réconciliation et demande aux autres diocèses de leur emboîter le pas. Vous saurez que la paroisse de Muramba a été touché par la précédente crise. En septembre 1994, en effet, une bande armée a attaqué des chrétiens en pleine messe et ceux qui étaient au marché de la localité, faisant plus de 100 victimes, dont les corps ont été ensevelis ensemble à la place où est érigé le sanctuaire des martyrs. Pierre Claver Balundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci Pierre Claver Abarundi et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée dominicale. Mais permettez-moi de vous rappeler certains des principaux titres. Passation du test et du recrutement de 1000 enseignants dans tout le pays ce dimanche. À cette occasion, le ministre en charge de l'éducation a révélé que ceux qui ont réussi commencent le travail avec le mois d'octobre et les victimes des crises qu'a connu le pays devraient être les premières à faire preuve de réconciliation. Soit émis lors de la célébration de la journée du pardon et de la réconciliation ce samedi à Muyinga. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndoye pour la parfaite collaboration. Vestine Outou, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.